Et si je vous partageais un nouveau podcast qui est ma découverte du moment ? J'ai le plaisir d'être soutenu aujourd'hui par Wondery, célèbre studio américain qui produit notamment Guerre de Business. Et attention parce que c'est une véritable pépite. Le principe est simple, il s'agit de documentaires audio qui reviennent en détail sur des affrontements de grandes entreprises. Vous en connaissez certaines si vous êtes un auditeur fidèle de Tech Café, SpaceX contre Blue Origin, Nintendo contre Sony ou encore Facebook contre Snapchat. J'ai vraiment adoré les épisodes que j'ai écoutés. On sent qu'il y a un travail titanesque de documentation sur le fond, c'est réalisé façon docu-fiction et animé avec un ton très juste. Vous allez voir, chaque série est passionnante et si je vous en parle, c'est aussi qu'une nouvelle saison 100% française arrive, consacrée à Chanel contre Dior. Alors, foncez consulter un épisode pour vous faire un avis. Guerre de Business, c'est évidemment gratuit, dispo sur Apple Podcasts et toutes les apps, et en exclut une semaine à l'avance sur Amazon Music.